ça fait bizarre. Vous avez compris comment ça marche au moins? Oui, ben, montre-moi. Pour arrêter l'enregistrement, t'appuies sur le bouton rouge. Oui, sauf que moi je veux pas l'arrêter là, je veux qu'on commence. J'appuie? Ouais. Ok. Salut, c'est Mathilde Mathieu sur Puta Puta. Le podcast punk, hardcore et plus. Salut à tous, bienvenue sur ce premier podcast. Merci d'avoir cliqué, merci de prendre le temps d'écouter cette première mouture. Tentative. Mmh. Pour commencer, Mathieu va vous expliquer en quelques mots pourquoi on a fait ce podcast. Alors ce podcast, en fait, le but c'est de pouvoir contribuer à notre manière au mouvement, à ce qui se passe autour du punk et du hardcore et des concerts. Faire profiter aux gens qui sont pas venus au concert, ouais, qu'on va couvrir. La possibilité de revivre un peu la soirée du mieux qu'on peut, en essayant nous aussi de retranscrire des témoignages, des interviews de groupes, des morceaux de musique aussi que les groupes auront joué évidemment pendant le concert. Ouais. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de retranscrire ce qui s'est passé pendant la soirée à un maximum de monde et nous évidemment de promouvoir les groupes du coin, mais pas que, et puis tout ce qui se fait de chouette au niveau punk hardcore en Vendée, voire autour. C'est parti, on vous embarque avec nous à la soirée de Fury Dance qui s'est déroulée au Zinor le 18 mai. Les orgas, c'était Féroce et Y croit quoi. On commence par aller faire un coucou à Max qui nous explique un petit peu comment ça se déroule. Et puis on vous retrouve juste après ça. On est avec Maxime qui est membre de l'asso Féroce, qui va nous dire un petit peu qui il est, ce qu'il fait ici. Et nous parler un petit peu du lieu pour commencer. Eh bien voilà, oui, je suis Max. Et du coup, effectivement, je suis chargé de prod pour Y croit quoi. Principalement au Zinor, j'organise pas mal de concerts à l'année. J'aurai une dizaine de concerts avec Y croit quoi. Et avec Féroce, c'est tout nouveau. Donc du coup, on essaierait bien de faire principalement des groupes en tournée et garder cet événement-là. Mais en tout cas, c'est un bon test cette année. Dans Non Féroce, il y a DIY. Ouais. Et ça veut dire quoi? DIY pour moi, ça apporte beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on fait tout ça par nous-mêmes, parce qu'on a envie de le faire aussi. On a envie d'organiser les choses. Voilà, donc pas de partenariat, pas de sponsoring, pas de subvention. Tu fais jouer les groupes que tu as envie de faire jouer. On fait jouer vraiment ce qu'on a envie, et l'idée c'est vraiment être DIY, donc c'est ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que si on perd les sous, c'est notre faute, parce que c'est à nous de le gérer. Si on en gagne, c'est tant mieux, mais c'est pas le but. Mais ouais, c'est toujours DIY. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, c'est... Et justement, quand tu dis « on », il y a qui derrière? Comment ça s'organise ici? C'est quoi le Zinor et c'est quoi Y croit quoi? Alors, le Zinor, ça existe depuis 2012 ici. On est un collectif d'asso. Alors, on a à peu près 15 assos chaque année. Ça se renouvelle beaucoup. Mais à la base, c'était un travail de longue date. Le collectif est là depuis 25 ans. Le Zinor que depuis 2012. Comment dire, c'est plutôt des générations et je sais pas pourquoi. Les gens font des concerts. Viennent, font des assos. Cette année, il y a beaucoup de chance parce que maintenant il y a des assos de jeunes qui viennent d'arriver. Ils font pas du punk et du hardcore, ils font de la techno, mais à la fois c'est trop bien parce que c'est vraiment. Là, on parle de DIY. Il y a du DIY dans le punk et dans le hardcore, mais il y a du DIY aussi dans la dub. Il y a du DIY dans la techno. Et ouf, c'est que c'est les jeunes de montée qui viennent. Et ça a encore plus de sens au projet. Chaque année, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Ensemble, on arrive à construire ce lieu-là. Voilà. Tu dis il y a 25 ans. Ouais, puisque 25 ans plus tard, il y a une génération et il y a des nouvelles assos qui arrivent. Ce qui est encore plus ouf pour moi, je le vois, ces générations-là. Et puis, ils me leur donnent aussi. Moi, j'ai commencé hyper tôt, tu vas faire les concerts. Et à la fois, quand il y a des gens qui ont un anniversaire, genre ce soir, on est au Fury Dance, il y a plein d'anniversaires à Monteil. Et j'ai des messages là depuis ce matin de vieux qui me disent bah, Max, on peut pas être là, quoi. Tu vois, ça touche. Ouais. Et puis, après, je pense qu'on a aussi une chance aussi, c'est qu'il y a des gros festivals à côté, tu vois, qui fait aussi que les gens ils restent ici, qui écoutent la musique. Et tu dis nous? Quand moi je parle de nous, en fait, j'intègre tout le monde. En fait, ouais, ouais. Genre par exemple ce soir, il y a du bénévole Nafoot, du bénévole Y croit quoi, et du bénévole, je sais pas moi, il y a gars d'Arsenic, il y a du. Il y a des bénévoles qui font partie d'aucune asso qui viennent aussi pour donner un coup de main. Parce qu'en fait, c'est pas simple de dégager du temps, tu vois, et d'être là, et je les remercie forcément parce que tout le monde est important. En fait. Ouais. Sinon, il n'y a pas de concert. Et comment tu vois la scène punk hardcore, on va dire, dans 6 mois, 1 an, 2 ans Montaigu est plein de groupes cool. Là, en ce moment, autour, on peut pas être mieux lotis. Hein. Moi, j'ai jamais pris le temps de faire de la musique. Et j'organise des concerts pour les copains. Et ça t'a jamais donné envie de faire de la musique? Si. Bah maintenant, je me dis, bon, je le fais pas maintenant, tu vois. Mais ouais, si j'aurais voulu faire de la basse ou des trucs comme ça, mais j'ai jamais pris le temps de le faire, j'ai plutôt pris le temps d'organiser. Je pense que c'est hyper plaisant que les copains organisent pour toi. Mais ce qui est cool, c'est que toi, tu donnes cette chance-là aux copains. Bah, on fait ça pour ça aussi. Hein. Et on est pas mal, là. Merci, Max. Ouais, merci beaucoup. Et il y a la pauvre qui t'appelle. Comment? Il y a la pauvre qui arrête pas de m'appeler. Nous, c'est la première interview qu'on fait avec Puta Puta et on est contents tous les deux de t'avoir. Ouais. Et de, parce c'était que important ça, de le faire, nous aussi. Ça symbolise bien les pointillés, les liens qu'il y a entre tout, les assos, mais comme tu as dit, même au-delà des assos, entre nous, des gens qui sont là. Est-ce qu'on va pleurer ou est-ce qu'on va pas pleurer? Mathilde peut verser sa larmiche, vous ne le verrez pas sur le podcast. En mais tout cas, j'ai ma petite larme, oui. Bah, c'est super ça. Ça fait plaisir. On a été interviewé Romance, c'était une surprise Romance pour nous. Oui. Du coup, il va falloir être un peu cool avec nous, parce qu'on s'est un peu craqué sur la prise son. On s'est pas trop isolé des autres festivaliers, on va dire. Et du coup, c'est moyen. Mais c'est quand même cool, parce que c'était une belle découverte, alors on voulait quand même vous mettre l'interview. Et vous faites quoi comme style? Moi, j'aurais envie de dire que c'est Scrimo. Bonne question. Ah, la question qui fâche dès le début, quoi. Ah, oui. Il y a quand même des gros breaks. Ouais, c'est ça. Je suis même pas sûr parce que le Zino en fait nous ont un peu collé cette étiquette là. On fait du screamo avec des riffs de métal. Du metallic screamo, est-ce que ça existe ça? Ça pourrait être stylé comme appellation. Moi, je trouve ça horrible comme nom de. C'est pas beau. Attends, j'aurais testé. En termes de description, c'est par là. Mais ouais, effectivement, enfin, alors, métal moderne, je trouve qu'au début, enfin, sur les projets, quand on vous avait lancé le premier EP, effectivement, il y avait peut-être un son beaucoup plus moderne, beaucoup plus. Ouais, et encore vite fait. Hein. Et je trouve qu'on essaie de se détacher au fur et à mesure, si je. Oui. Si je me trompe pas. Oui, oui. Parce que justement, le groupe, il a quel âge? 7 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, 7 ans, ouais. Et ça a commencé avec vous tous? À part toi qui est arrivé la première date? Le premier EP, on l'a fait que à 3. Okay. T'es que tous les trois déjà avec Antonin et Adrien. C'est-à-dire chant, guitare, batterie. Il y avait une guitare et puis Adrien faisait à fond les basses sur le EP. Et après on a eu une deuxième guitare qui a déjà beaucoup changé la donne. Parce qu'en plus du coup Johan chante en clair aussi, donc ça a pas mal changé la donne. Et c'est lui qui a apporté justement la fameuse touche, screamo. Ouais. Il y a un peu les deux pôles, il y a trois pôles globalement quand tu sers un peu dans Romance. Il y a le côté screamo, post-hardcore, touché à mort et tout ça. Le côté black metal qui a été apporté par Valentin, qui a voulu apporter beaucoup de rythmique black. Et le côté un peu plus, un peu metalcore. Enfin, on a grandi avec du metalcore. Clair, ça me faisait penser à du metalcore. Mais le bon, quoi. Enfin, on a grandi avec ça en fait, donc forcément ça se ressentira toujours dans nos compositions. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu les trois identités qu'on peut identifier dans Romain, je pense. Et vous avez sorti quelque chose en physique? Tout à fait. On a un premier EP qui est sorti en 2018, si je dis pas de conneries. Ouais, celui dont on parlait à l'instant. Hein. Et suite à ça, on a eu Au-delà qui est sorti plus récemment, 2022. Et là, on est sur de la nouvelle composition, donc deux titres qui ont été composés tout récemment depuis le début d'année. Qui sont sortis en clip, tout à fait. À savoir Mensonge et Poussière. Et ce soir a été joué en exclusivité la dernière compo qui s'appelle Résilience. Ok. Dur. C'était la première fois qu'on vous entendait. On a rien vu. C'est cool. L'avantage, c'est qu'on est sorti, on pouvait pas dire ah, mais c'est pas comme ça en fait. Oui, puis c'est dense, il y a 2 grades, la batterie, elle est de la place. Ouais. C'est effectivement l'avantage. Ça passe plus facilement. Exact, c'est exact. Ouais. Elle est passée. Quoi. Elle est passée. On la jouera mieux la prochaine fois. Mais oui, j'espère. Le nom Romance. Question cliché, moi il m'inspire le côté positif, une belle histoire d'amour, ou voilà la romance. Alors que la musique, bah il y a des inspirations mythes black dedans, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a des trucs très très sombres. Ouais. T'as quand même des moments hyper planants, hyper mélodiques et c'est fou, moi j'ai envie de dire. On s'était dit que dans une romance, certes, il y a des moments justement qui vont être super. On va dire super joyeux, qui vont être intenses, qui vont être doutants, machin. Mais il y a aussi dans une véritable romance un peu j'ai envie de dire romantique en quelque sorte, dans le sens un peu littéraire de la chose. Il y a une notion un petit peu plus sombre aussi, où il y a un peu de souffrance, il y a un peu de... il peut y avoir de l'obsession, des conflits, des trucs comme ça. Et on trouvait que c'était un peu ce qui représentait l'équipe de la musique de romance, comme vous disiez, des moments un peu plus violents, des blasts, des moshpart, et puis des parties un peu plus planantes et mélodiques. Et les projets à venir ? Non, vas-y. Les projets à venir, c'est quoi ? Il y a des prochaines dates. Hein. Déjà, date à la stage, jeudi soir, du coup, donc à 19h30, si je veux. Ouais, 27 juin, ouais, jeudi 27 juin. Donc Elstage, 27 juin, 19h30. Ouais, tout à fait. C'est la scène qui est sur le El City Market. C'est ça, exactement. Et toi, c'était ta première date ce soir? Ouais, carrément, ouais. T'avais préparé ça longtemps avec les gars avant? Ça fait un petit moment qu'on prépare aussi, mais bon, les morceaux sont quand même pas si simples à apprendre. Il y a quand même une technique qui est à avoir. Ouais. Donc ouais, ça fait un petit moment qu'on prépare les morceaux, mais j'étais encore un petit peu chancelant sur certains morceaux. Quoi. Donc, je l'ai senti de manière mitigée, on va dire. C'est-à-dire que j'étais très content de faire cette première date avec vous, mais je suis pas hyper content de moi. Alors déjà parce que je suis hyper exigeant avec moi-même, et puis parce que j'ai fait quelques pains, il y a eu quelques ratés, je suis pas hyper content. Ok, bah merci à vous cinq. Merci pour la découverte aussi. Ouais, c'est pour la découverte. Merci beaucoup à vous. Et s'il y avait une chanson qui vous représentait le plus, parce qu'on la passera juste après, Poussière. Ce serait quoi ? Poussière. C'est vraiment le... Ça retranscrit bien toute la nouvelle vibe vers laquelle on va pour les sorties à venir. Ouais. Ok, avec le clip qui va avec. Oui, tout à fait. C'est ça. Yes. a posé 2-3 questions à un type qui s'appelle Quentin. Ah oui, oui. Et qui vous connaissez, qui a vraiment kiffé, donc on a été le voir parce qu'il a vraiment mis des trucs à fond. Il nous a dit des chouettes mots. Ok, Quentin. Tout à l'heure, on a vu que devant Romance, venu te toper pour en savoir un petit peu plus sur ce que t'en as pensé. Est-ce que tu connaissais le groupe et connais le lieu et qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors, le Zinor, je connais. C'est une salle où je viens de temps en temps. J'habite juste à côté, du coup, ça c'est super sympa. Et puis Romance, c'est un groupe que je connais, que j'ai vu il y a quelques années. Et il se trouve que je connais Bastien, qui est le nouveau bassiste, qui faisait ce soir sa première date avec eux. Je suis venu le voir et je suis trop content d'avoir découvert toutes les nouveautés. Et qu'est-ce que t'aimes dans leur groupe en particulier? L'énergie. Il y a une super énergie et vraiment un super ascenseur entre les parties très métal et les parties atmosphériques, calmes. Donc moi j'aime beaucoup ça, quand il y a de la variété. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le groupe comme émotion? Alors moi je suis quelqu'un qui vit la musique très fort et du coup quand une musique me... Tu veux qu'on fasse après? Non, nickel, c'est cool, nickel. Vas-y, c'est non, ce trop qu'on bien. Veut, nous, les bruits de fumée. Merci Raphaël. En fait, c'était l'interview, j'ai pas exprès en fait. En même temps, nous on s'est mis pire endroit quoi, c'est là où les fûts sont entreposés. On est dans à tu vis la musique à fond, le live à fond en tout cas. Ouais, moi quand une musique me plaît vraiment, je me lâche et je me défoule et c'est vraiment un moyen de lâcher les nerfs. Lâcher prise carrément, ouais. Moi la musique c'est un truc qui me permet d'exprimer les émotions à fond et là justement, il y a les deux. Il y a du calme, il y a du violent donc. C'est et comme y a ça les que. Copains sur scène, alors et en plus, c'est les copains, ouais. Ok. Ensuite, on passe à Black Mantra. C'est un groupe de copains. On les connaît très très bien. Donc, forcément, il fallait qu'on aille les interviewer. Mais évidemment, il y a à boire et à manger. Il y a surtout à boire. Donc, une fois de plus, soyez indulgents. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vannes. Mais il y a quand même des trucs intéressants qui se disent. 3, 4. Et t'enregistres vraiment là? Ouais, ça enregistre. Eh ben, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, vous êtes d'où? Eh, en fait, on est locaux de rien du tout parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui vient du même village, quoi. Du bocage et du vignoble. Ouais, c'est croisement. Il y a un Bressuire. Comment on appelle ça les gens qui habitent à Toiré? Un mec de Bressuire, un mec de. Non, j'étais à Bressuire en plus à l'époque quand on a commencé. Et un mec de très sceptique. Mais ça répète à Bressuire. La base est à Bressuire parce que c'est là où on répète. C'est tout. Et donc, vous mettez sur la fiche, vous mettez Bressuire. Oui. Putain, mais ça pète de ouf. Ouais, il y a des gros fleurs d'artifice. Hein. À l'heure où je vous parle, messieurs, dames, il y a un fleur d'artifice de ouf. Qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Exactement. On l'entend très bien. Je pense qu'on l'entendra derrière le. Faites un montage après, hein, j'imagine. Ouais, on coupera pas tout, hein, Marol. Hein. Donc, mollo. Alors, on a fait le. Vous êtes d'où? Le qui, bon, maintenant c'est fait. Moi je vous ai loupé, je suis arrivée en retard. Votre set de ce soir. On a vu que t'étais pas là. Ouais, vous avez pas joué mal. Mais le set c'était cool. Ouais. Votre set était bon. Parce qu'on a fait une répète de merde jeudi en plus. Et là pas mal, c'était long. Qu'on a joué 35-40 minutes, pour moi ça durait vraiment 2h15. Hein. C'est hyper long. On est vraiment des punks, on n'a pas l'habitude de jouer longtemps. Ouais. Mais c'est qu'en fait on a fait un concert hier soir. Trop bu. Et à 17h il y avait du monde devant la scène. Ouais, c'était que des yeuves. J'avais vraiment l'impression de jouer pour mes oncles. Il y a Nico, il a dansé en. Ah, il y avait quelques gamins. Et Maël aussi qui était devant. Ouais, Maël, il y avait vraiment des gens. Ça arrive des vues de Jess et Max aussi. Il y avait quand même des gens pour aller à concert. Et vous trouvez que c'est relou de jouer à 17h? Non, parce qu'apparemment, on peut se bourrer la gueule peinard. On s'en mange. Surtout qu'il y avait du monde, le set était bien énergique. Donner ce qu'on a pu donner. Pas pire. Bah non, mais en vrai, on devait faire un nouveau morceau qu'on n'a pas fait parce que. Ah putain, c'est vrai qu'on l'a zappé, c'est moi qui ai demandé en plus. Ah oui, j'avoue. Marol aussi, il était demandé. Ouais, je dis vas-y, c'est bon, on s'en fout. On le garde pour le split avec Offensive. Il balance des infos. Breaking news. Breaking news. Ok, ça balance. Breaking news. Ouais, on doit faire un split avec. Offensive. Et qu'est-ce que vous faites comme musique? Bah, on peut appeler ça généralement. Punk. Punk hardcore. Avec une touche de reggae. Une touche de reggae. Punk hardcore façon New York, façon Californie. Non. Et façon bocage surtout. Ouais. C'est du hardcore années 90 pour moi. Ouais. Mais avec du reggae dedans. Et c'est pourtant, inspiration Bad Brains. Moi par exemple je parle pas anglais. Vos parents parlent Gus de quoi non plus. On lui demandera son parfum préféré de yaourt plus tard. Ça tombe. Positif et négatif. Ouais. C'est surtout en fait le constat tranquille. Ouais, tranquille. Je crois qu'on révolutionne rien. Hein. C'est le hardcore, c'est un peu ça, c'est ce que tu vois autour non, de toi. Non, c'est très banal. Dans les années 90, on serait. Putain, t'as vu comment j'ai accroché sur. Ouais, j'ai entendu aussi, ouais. Écrevis, je dis. C'est hyper banal. C'est banal. Un truc de boomer comme ça. Non, mais ça. Mais en vrai. Ça a des côtés. Faut dire en vrai. À la fois, c'est positif et en même temps, c'est très désabusé de la. Du monde dans lequel on vit. Genre nous on aime bien se moquer un peu de ça quoi. Ouais, on est conscient de l'impuissance qu'on a pour changer les choses. Et du coup faut mieux rigoler de ça que. Du coup on préfère en rire. Et l'idée de faire du reggae. Et c'est pourquoi c'est pour faire un truc que d'autres font pas. Ça, on aime ça, moi j'aime vraiment ça. On est tous fans de reggae. Vraiment ça. Ouais ouais. On en fait parce qu'on aime. T'énerve ça. Après on n'est pas bon. Je pense pas que ce soit vraiment très très bien fait. Mais on y prend du plaisir. Et on le fait à notre sauce, quoi. En fait, on sait qu'on n'est pas des Jamaïcains. C'est vrai, c'est vrai. Donc le reggae, on le fait avec nos moyens. Et, on et reggae, ok. Et pourquoi vous prenez Misfits? Parce que t'as ton chant, moi, il me fait penser Misfits et Point Barre, ou c'est un délire pareil de. C'est genre, on adore les musiques. Moi, je l'ai tatoué sur le bras. Sur le bras. Moi, je suis fan aussi. Non, mais ouais, si, c'est parce qu'on est fan quand même. Je sais même pas qui c'est Misfits. Non, il connaît pas. Je croyais que c'était une série. Je croyais Malcolm et Misfits, quoi. Non, mais. Non, si, j'aime bien Misfits. Parce qu'on écoute du hardcore des années 80 aussi. Et Misfits, ouais. Ouais, le chant, ouais. Le chant, moi je suis fan de fou. Misfits, c'est trop bien. Danzig, il est pas de Misfits, quand même. Ouais, mais j'adore son chant. Je suis pas capable de faire pareil, mais j'adore son chant. Ça se s'entend là, hein. Heureusement qu'il n'y a pas trois dates d'affilée. Du coup, ça s'entend pas. Parce que justement, vous êtes en pleine tournée. Ah bah oui. Tournée. Parlons-en. Ah bah on a vu des tournées. Parlons-en. Très sceptique. Qu'est-ce que c'est le tour de Vendée là? Très sceptique, ça commence par commencé hier. Ouais. Donc on n'est pas obligé de prendre deux jours. On n'est pas obligé de prendre deux jours. Le début. C'est ça, ouais. Pour commencer, on n'est pas obligé de prendre des jours. Ouais. Bon, voilà. C'est l'avantage. Bon, mais voilà. C'est pas un vrai média hyper sérieux ou c'est comment là on fait juste non, coup, c'est un non truc. Non, pas trop. Il y a vraiment des gens qui vont écouter ce qu'on raconte. Bah, on espère, ouais. Bah, c'est là où on switch et on vous pose. S'il y a au moins deux auditeurs, on se raconte. Et il y a quoi d'autre à venir alors, hormis le. Non, j'avais une autre question avant. Ah, pas une autre question avant. Vas-y. Ah bah du coup j'ai... Ah bah, tu l'as oublié? Non, j'ai pas oublié, mais si, j'ai noté. En gros, vous jouez plutôt dans le coin. Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une scène vraiment, un lieu ou une scène où vous sentez le plus chez vous pour jouer, où vous êtes le plus à l'aise, où vous avez le public qui vous suit le plus? Non. Ou... Après, sur Vendée, c'est la même. C'est ça. Ouais, pour c'est moi, pareil, c'est ouais. Exactement ça. Sinon, ça les roule, c'est parfait. Le bocage. Genre, je pense plus... C'est quoi le plus loin qu'on a joué? C'est genre Tours, peut-être? Tours, ouais. Et puis même si on allait jouer ouais demain en Allemagne, ouais, là-bas, c'est pareil, moi je me sentais un peu comme à la maison. Le plaisir est pareil. Ah, oui, et moi je suis un peu feignant, je suis l'âge de Guillaume, on est un peu vieux. Si, après, le... Non mais en mode feignant quoi, en mode feignant. Il a l'ambition juste d'aller jouer jusqu'à Barcelone. Ouais, genre, c'est mon ambition. Ouais, voilà, au soleil, c'est cool. Moi j'ai pas envie de dépasser Orléans. Franchement, on est des feignants. Elle est quand la date à Orléans ou à Barcelone? Barcelone, ce sera 2025, 2026. Ah, mais c'est couché blanc aussi. Et donc d'ici là, la 2025, il y a un split avec Offensive. Ouais. On a prévu d'enregistrer ça en octobre, on n'a pas calé de week-end encore. Non, mais en gros, on va faire 5 compos, plus un. Ah, carrément, t'as décidé que c'était 5. 4 compos, vous avez dit 4. Il y a un leader dans le groupe? Non, ouais, c'est Guy Schmout. Il y a Guy Schmout, mais c'est il leader, croit qu'il est leader, mais en c'est fait. C'est juste parce qu'il parle beaucoup, mais. Ouais, voilà. Ah, si, c'est quand même lui leader. Hein. C'est vrai. On a dit qu'on est en free flag sans ça. On avait tous des projets à côté les uns les autres. Moi, je voulais pas. On a dit, on fait un groupe pour rigoler en plus. Enfin, pas pour rigoler, mais. Hein, non, enfin, tu l'as dit. Pas pour rigoler. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pas pour rigoler. Oh non, on avait de l'ambition. On a fait un vrai groupe, mais. Fallait que ça soit simple. On se dit, on fait des trucs simples. Et dès le départ, ça devait être influence reggae. Non, pas du tout. Non, on n'aimait pas qu'on aimait la reggae tous. Enfin, je veux dire, c'est venu à force de jouer ensemble. À force de jouer ensemble et écouter les Bad Brains, je pense. Pour moi, c'est l'influence de Bad Brains. Et les Burning, quoi. Pour terminer, est-ce qu'on va passer un morceau juste après? Est-ce qu'il y a un parfum de yaourt, Luce, que tu préfères? Enfin, yaourt citron, bien sûr. Citron. Et t'as fait du yaourt citron? Ah oui, j'avoue. Non, c'était 100%, 100% ah oui, je voulais placer cette question. Il y avait un nouveau morceau qu'on aurait dû jouer, mais on l'a pas joué. Et encore, t'as là, des paroles dessus. Il y avait des paroles, mais il y a des bribes de yaourt. Donc, parfum préféré citron et un morceau préféré pour des gens qui vont écouter ce podcast, qui vous connaissent pas, quel morceau de Black Mantra il faut qu'on passe? SUV. SUV, ouais. C'est... SUV, ah, ouais. Cool. Ouais. Ok, SUV, ouais, ça nous représente bien, c'est vrai. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai même pas réfléchi. Ouais. Pourquoi SUV? Vite fait. SUV, c'est l'anti-tête de pin de lotissement. Voilà. Ouais, mais moi je suis très. Je suis focal là-dessus. Alouette, club électronique. Voilà, j'ai des loulous ce week-end. Radar Virgule, c'est vraiment l'échec. Et souvent ils disent ceux qui vont la Séguinière acheter des les pauvres qui achètent du Tommy Hilfiger, c'est vraiment l'échec. Mais on peut rien. De ouf. On critique, mais après, on est tous le beauf de quelqu'un. On a tous. Surtout toi, Marol. Ouais, pas des masses. En gros, pour moi, le SUV, c'est l'archétype du monde moderne. Voilà, qui nous est vendu d'hyper consommation. Et finalement, t'as presque plus le choix. Enfin, t'es obligé d'acheter ton SUV, ça fait partie du cycle, quoi. Et du coup, ça nous casse les couilles d'être obligé de faire ça. D'où la chanson. Un podcast. Il y a de la pub, il y aura de la pub ou il y aura pas de pub? Eh bien justement, on de passer à la pub avant de se quitter. Pour info, Bunkum va se reformer avec des mecs de Black Mantra, de Pavas. Il y a Magou qui était parti sur un délire hip-hop, mais là il va reformer le groupe. Il a dit qu'il a reformé le groupe. Ouais. Bunkum se reforme, important. Et là on coupe? On coupe. Il a un bandana noir. Non, vert. Des rouflaquettes. Les cheveux longs, les yeux bleus, je crois. Oui, je crois. Ouais, les yeux bleus. Une moustache, peut-être. Peut-être bien une petite moustache, oui. Qui est-ce? Je viens de toper Maël qui va nous faire, s'il veut bien, un petit retour sur Black Mantra, qui a joué à 17h. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pensé du set, du groupe? Black Mantra, c'est toujours aussi cool. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît avec toute l'équipe, Gus et tous les gars. Et du hardcore à l'ancienne, ultra efficace, et c'est super cool. Ouais, en fait, il y a de moins en moins de groupes dans ce style-là. Il y a 15-20 ans, dans le secteur nantais, ça, enfin, on avait beaucoup de groupes de hardcore à l'ancienne. Et c'est cool d'avoir des groupes comme Black Mantra. Et je pense qu'ils ont aussi infusé pas mal, parce que du coup, il y a des groupes comme Offensive qui ont vu le jour, et pas mal de groupes justement dans tout le secteur sud-loire, là, Vendée, Nantes et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc-là, du reggae au milieu des compos Je trouve que ça passe super bien. De toute façon, ce que faisait Bad Brains à l'époque, et eux, ils l'apportent super bien. Enfin, ça se cale, enfin, c'est super bien bossé, enfin, les gars ils maîtrisent le truc, ils connaissent. Et la manière dont c'est apporté, tu pourrais t'attendre à une partie genre un peu punk rock, ouais. Ou à une autre partie ou un break un peu hardcore, et hop, bim. Ça calme. Une petite passade reggae, et qui est super énergique. Du coup, on sent aussi les gros fans de Burning Heads, je pense. Je voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que ça écoute Burning Heads un petit peu. Mais ouais, c'est super cool. Et donc là, sur le début de soirée, en tout cas, là, aux Inners ici, toi qui es habitué à venir au Rhino, tu ressens le même truc? Ouais, carrément. C'est un petit Rhino sur une soirée, mais on retrouve les mêmes copains, les mêmes copines. Ouais, et c'est super qu'ils continuent, qu'ils soient relancés sur autre chose, je pense avec une nouvelle équipe, à chapeauter tout ça, mais c'est super cool quoi. Faut continuer, ça fait super plaisir de voir ça quoi. Et surtout que toi t'as fait un peu de bornes, parce qu'en fait on pourrait croire qu'il y a beaucoup de gens du coin, genre de 20 bornes autour. Moi je suis de Rennes. Il y a une pote de Vannes qui est là, il y a des potes de Pontivy qui sont là, Pontivy, Nantes, Lorient. Alors réponse interview. Il est assez sérieux pour vous. On se parlait de ça plus c'est dans le podcast juste deux secondes. Bah ouais, vous avez eu l'occasion de voir cuire ou quoi là? Non. Moi je fais les balances et je pars après de. Ah putain, c'est parce que on sait toujours pas qui se cache. Non, je sais pas. Non, ça s'appelle Redoux. Elle oublie en tournée. Ouais, elle s'est fou. C'est énorme, je trouve l'émulsion que vous avez ici entre le Zinor, les assos qui tournent autour et toutes les autres assos, en fait de l'Ocerbos. Le In Your Face, ouais. Le Jean-Yves Lafeste, le Dumb and Dumber, il y a tout ça, plus tous les concerts, plus les concerts dans les bars, Spoot Down Asso qu'on leur ferme. Ouais, ce que j'adore, parce que moi j'ai grogné en campagne, et c'est de retrouver ça en fait dans une commune rurale, avoir un lieu comme ça et de voir autant de monde, en fait, de voir ce truc-là en campagne, c'est aussi l'essence du truc, et puis c'est les retrouver des copains, quoi. Ouais. Et c'est vraiment chouette. Okay. Merci beaucoup, Mel. Eh ben, merci à vous. Bon, évidemment, on avait parlé de faire une rubrique la minute de Camille et Mélodie. Alors, c'est parti, c'est pour eux. C'est pourri. C'est pourri. C'est la minute de Camille et Mélodie. Bonjour, Freddy. Tu crois qu'il va nous écouter, Freddy? Oui. C-U-I-R. Le mot, c'est cuir. Tu expliques un peu ce que tu vois? Explique-nous. Une bouche, une fermeture. Continue, vas-y. Et il y a des écritures, de la farine. Ah, c'est de la fumée. De la fumée. Et des mains, une bague. Et des boutons, un cou. Des patchs, ouais. Patchs. Et des saucisses. Des saucisses? Non. Et des jambes et des bras. Des tatouages. Ouais. T'as regardé dedans? Non. Tu fais doucement, c'est fragile. Je peux ouvrir. Oh. Ça sert à quoi ça? Ah! À écouter un CD. Tu crois que c'est quoi comme musique? Sauf que. Sandino Dabi! Après cette minute de Camille et Mélodie qui a duré des heures, et oui. Ouais, on peut aller faire un coucou à Cuir au catering. C'est le groupe qu'on voulait voir, que nous on écoute beaucoup, voilà, c'est le groupe qu'on voulait voir. C'est... je me souviens plus de son prénom. Doug. C'est Doug. Et son équipe. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul, mais on va vous expliquer ça après. Ouais. On est avec Cuir de Lorient, des 3 sur 5, 4. Tout à fait. Mais il semblerait que c'est un projet plutôt solo. Oui, mon projet personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui t'es et puis qui t'accompagne? Moi je m'appelle Doug et du coup je voulais. Enfin, on se connaît déjà. Et je voulais faire mon projet solo depuis un moment. Donc c'est parti sur le Soundpunk, c'était pas prévu à la base, mais ça finit comme ça. Et pour les lives, il me fallait des copains. Du coup, j'ai pris des potes de Lorient. Guigui, d'abord Ryan qui est là-bas au merch, et Nanou qui nous a rejoint du coup au synthé. Et pourquoi c'était pas Soundpunk à la base? À la base, je savais pas, je voulais juste faire un projet solo. Et le synthé est venu s'additionner après un concert que j'ai vu d'un groupe qui avait du synthé du coup, au Galion. Tu peux nous dire quel groupe c'était? Os Mutant, un groupe australien. Et du coup, je me suis dit, le synthé, non, ça défonce. Et mon père avait un synthé. Et je me suis dit, je vais lui prendre. Et puis, t'as parlé Roland. Ouais. Pourtant, je me foutais de sa gueule. Hein, quoi, il avait son synthé, je savais pas. Arrête, c'est la merde. Son synthé, évidemment, tu l'enlèves d'un tout. Il est quand même bien. Il peut être kitsch, il peut être. Oui, ouais. Et c'est vrai. Mais pourquoi tu voulais faire un projet solo alors que t'as joué dans pas mal de groupes, comme peut-être les autres autour de toi? Disons que j'aime bien un peu décider des fois. Donc là, je me suis dit, je vais faire un projet où je. Personne pourrait rien dire. Je fais tout seul. Le chef ici. Mais j'écoute quand même les conseils, mais je voulais vraiment faire un truc tout seul. Ah oui, donc ça veut dire que c'est toi qui compose la batterie? La batterie, c'est. En fait, c'est Jackie Cadieu de Syndrome 81 qui m'avait prêté son ordi justement. Qui est partout. Qui m'avait prêté son ordi justement pour que je fasse mon projet solo. Et en fait, dessus, il y avait une piste batterie. Et avec celle-là, bah, du coup, j'ai fait les 5 premiers morceaux, la cassette d'après et l'album d'après. Donc 20 morceaux en tout avec la même piste batterie. Ah oui ? Oui, ouais, ouais. Et il y a eu le synthé dès la première chanson que t'as faite ? Oui. Puisque c'est mode branleur qui commence par 4 notes de synthé. Il se passe des trucs à Lorient, parce que tout à l'heure on parlait, je pense que c'était pas encore enregistré du Galion. Moi je suis allé une fois ou deux au Galion, je me souviens encore du lieu de oui, ouais, pirate. Ouais. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe à Lorient? Eh ben... Pas grand chose. Pas grand chose, ouais. JB a vendu le Galion, il a ouvert un petit bar de quartier qui s'appelle le Bison Ravi. Qui est très sympa. Ouais, très qui bonne est super cool, c'est notre QG. Non, il faut concerts. Pas de concert. On fait de la pub aussi, on est en plein centre. Ouais. Prendre l'oseille là-dessus. C'est le moment. Ouais. Et sinon, il y a la SMAC de Lorient qui s'appelle Hydrophone, dans laquelle on répète, laquelle on a fait une résidence avant la tournée. Ouais, d'ailleurs, ouais. Et il y a pas mal de concerts, après c'est notre, ça reste une SMAC, mais c'est en pourparler pour faire une release d'ailleurs. Là-bas, là-bas. Oui. Je pense que c'est le projet. Ouais. Pour qui est tourné, justement. Là, c'était la dernière date. C'est la dernière date. Dernière date, ouais. Et à 21h, vous avez vu l'ambiance? Oui. Ah, c'était cool. C'était cool. C'était cool. Franchement, ouais. Les gens pas trop bourrés, mais chauds quand même. Ouais. Donc, parfait, ouais. Ouais. Et les autres dates, c'était comment? Bah, les autres dates... Il y en a peut-être une qui sortait du lot. Ouais, vous avez partagé plus de choses ou... Moi j'en ai une qui sort du lot pour les mauvaises raisons, parce que je suis un peu bourré sur scène. Ouais. Et après, j'ai oublié ma cagoule. Sauf que c'est passé aux Pays-Bas. Sauf que je m'en suis rendu compte en Belgique, ouais. Avant, 5 minutes avant le concert. Et donc ouais. Tu t'es dit, je peux pas jouer sans ma cagoule. Et non, il a fallu que... Comme il y avait des cagoules de secours. En fait, bien sûr, j'avais des cagoules de secours, ouais. Que j'ai mises avec l'autre cagoule... Ce qui était malin. Dans le même endroit, à Amsterdam. Je c'était dans le même sac qui restait... Ouais. Et donc, t'as joué avec ton bonnet sur la... Lui, il avait une autre un peu plus fine, cagoule un peu plus fine, mais du coup noir. J'ai joué avec ça. T'avais ouais. Pas ta cagoule rose ouais. Et j'ai quand même trouvé le moyen de jouer avec la cagoule noire qui m'a filé à l'envers. Hein. Ouais, ça fait que ça faisait une t'avais pas l'étiquette Décathlon. Bah franchement, s'il y avait une étiquette, elle aurait été... Sale punk d'habitude. Ouais, voilà. On était là-dedans, ouais. Ça, c'est bon. Ouais, bah cagoule alors. Ouais, pourquoi la cagoule? C'est pour l'anonymat, c'est pour... Ouais, parce que j'ai commencé à faire une photo d'abord où j'étais torse nu avec un perfecto. Ouais. Et comme ça a bien marché, je me suis dit, bah, faut que je fasse quelque chose d'autre. Et comme le nom c'est cuir, j'ai juste tapé cuir sur Google. Et quand on tape cuir sur Google, il y a beaucoup de trucs sadomaso un peu qui arrivent. Et là, j'ai vu une cagoule, je me suis dit, putain, cagoule, trop bien. Donc j'envoie une noire, je me dis, bon, je vais aller voir. Et là, il y avait deux choix de couleurs, noire et rose. Et quand j'ai vu la rose, j'ai fait, putain, mais ça, c'est le. Énorme, quoi. Du coup, j'ai pris la rose et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Il fait chaud, non? Sous la cagoule. Ouais. Et ça pue. Ouais, et il fait chaud. Ouais, surtout après une semaine de tournée, probablement, ça doit être... Ouais, il y a des petites odeurs. Parce qu'en fait, j'en ai de remplacement, hein. Ouais. Mais que je garde la même, si tu veux. J'ai besoin d'avoir... C'est un peu, ouais. Donc, c'est ma cagoule, quoi. Toi, t'as la cagoule rose. Oui. Ce rose. Les gars, voilà. Derrière, vous avez les cagoules noires. Cagoule c'est noir. Toujours vous, derrière les cagoules noires. Ouais, c'est toujours les mêmes fois. Personnes. Oui, oui. Il y a une fois, ah, oui. On a fait une tournée en Allemagne et Ryan, le guitariste, n'était pas dispo. Ouais. Et du coup, c'est Clémos. Bah, Clément, du coup, qui était dans No Way to Escape avec moi, c'est lui qui a pris le relais. La guitare, ouais. Donc ça se voit pas trop. Mais non, ça se voit pas. Ouais. Oui. À part. Après, il y a eu 10 dates. Hein. Ouais. C'est pas... Et ouais, pour c'est vous, qui êtes interprète seulement, est-ce que c'est pas relou? De suivre un projet, en fait tout est écrit. Ah non, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que déjà d'une part on participe à tout ça et c'est incroyable parce qu'on est tous des potes à la base. Mm-hmm. Du coup bah c'est une aventure entre potes de base et on a le supplément de jouer à la fin de jouer un concert en plus de se marrer entre copains. Ouais. Donc c'est super bien. Et puis d'où il vous laisse votre place aussi. Et ouais, ouais, et puis il y a des petits arrangements pour les le morceaux, live. Moi je sais qu'au synthé j'ai repris, bah ouais, ouais. J'ai fait pas mal d'arrangements, j'ai repris un peu à ma sauce. Ouais. Donc pour les lives c'est vraiment ensemble, style, on fait vraiment ensemble les, ouais. Les trucs pour voir. Bah voilà ce qui plaît. Si vraiment bah, ça me plaît pas, bah, je dis que ouais. Non. Ouais. Mais par contre, Nanou, genre par exemple au synthé, a trouvé oui beaucoup de trucs qui changent vraiment les morceaux. Et il y a vraiment un truc en plus. Et Dans quel morceau par exemple? Bah là il y avait Overdose KO, ouais. Bah il y a la flemme qu'on n'a pas fait, on fait en rappel, mais là on était rincés au bout de 10 dates, donc on n'a pas forcé les gens. Ah à, oui, 10 dates, vous avez un qui là depuis du... Pas loin. Ouais, 9 du coup, avec un day off. Mm. Mais voilà, quand il rajoute son petit. Ouais, parce que j'avais l'impression que du synthé c'était plus riche que sur les morceaux stud, qu'il y avait des trucs, des petits trucs en plus. Ouais, bah justement, c'est ça les fameux arrangements. Ouais. pour aérer plus le. Ouais. Puis là, comme on est passé à 4, ouais, bah, y a du synthé déjà tout le temps. Parce qu'avant, quand on était à 3 et que je faisais le synthé en chantant, bah, y avait des morceaux où je pouvais pas le faire. Donc c'était dans le sample, dans le sampleur où il y a du synthé. Du coup, bah, en live, c'est moins. Ouais, parce que je trouve ça moins bon. Quoi. Vous êtes venu une autre fois, du coup, au Zinor, il y a peut-être 2 ans pour les deux ans, ouais. Et j'en ai un meilleur souvenir là, c'était plus sur scène, nous aussi. Ouais, pareil, 4, ouais. Ouais. On était 3 là, il y a 2 ans. C'est cool quoi, ça veut dire ça. Enfin, en tout cas, moi ça va. Moi, c'est clairement la meilleure formule à 4 comme ça. Ouais. Donc le lieu, vous le connaissiez déjà un petit peu? Bah, oui, ouais. Moi, j'ai habité pendant 8 ans sur Nantes. Du coup, je venais souvent ici voir des concerts et tout. Ouais, je connais bien. Vous jouez bientôt au Kéton? Oui. Ouais. Ça fait pas... On a vu ça en... Ça fait plaisir. Non, ça fait pas trop peur. En tout cas, c'est un festoche un peu reconnu. Oui. Ce milieu-là. C'était un objectif pour vous? Bah moi, je voulais aller voir en tant que festivalier depuis un moment. Ouais. Mais j'ai jamais eu l'occasion au final. C'était l'opportunité. Et en fait, là, ils ont mis un truc sur Instagram, donnez vos candidatures. Ah ouais. Et comme on est sur un... Sur... Bah, chez un tourneur qui s'appelle Précieux Tour Service. Et du coup, j'ai demandé à Mathilde, qui s'occupe de ça, d'envoyer un mail de notre part, quoi. Et donc les mecs ont répondu tout de suite OK. Ah, c'est cool. Voilà, OK Town. OK Town. Okay. Ah, allez. Ça faudra la laisser au montage. Marcel Robidon. Et justement, je me posais la question tout à l'heure en vous voyant. Est-ce que à un moment tu penses que tu arriveras au bout du concept? Ou alors tu peux le faire évoluer encore ou bah, avant le faire vivre encore 2-3 albums? En vrai, je sais pas. En fait, il y a une recette qui marche bien. J'ai 2-3 idées de. Enfin, notamment avec Guigui. Parce que du coup, et au sample, et c'est lui qui finit en featuring sur le dernier morceau de l'album, qui s'appelle Toujours Pareil. Et en fait, depuis le début, bah, moi je voulais un côté un peu rap. Dans le... Ça se sent. Hein. Ça, mon poteau, c'est un rappeur, le bonhomme. Ouais. Donc, du coup, on s'était peut-être dit, hein, peut-être une mixtape, peut-être. Ouais. Plus rap, ouais. Bah un mélange quoi. Boys, punk rap, ouais, truc comme ça, ouais. Qui est un peu chelou, qui n'existe pas trop. Mais un truc, je sais pas comment dire, en dehors des albums. Non, c'est plus genre EP, mais un truc différent. Okay. Et pour revenir après sur un album plus. Ouais, c'est une petite parenthèse de la ligne directrice qui... ouais, c'est, des albums et tout quoi. Un petit truc sur le côté. Non, je pense que le projet n'en est pas encore tout à fait fini. Il y a encore 2-3 trucs à tester. Ouais. On a une super question. Il y en a deux super. Je pose celle-là. Bah, les celles d'avant étaient super aussi. Ouais, hein, bah, après l'interview, on va passer un nouveau morceau. Okay. Du coup, s'il y en a un, puisque l'idée de ce podcast, c'est de le faire aussi écouter à des gens qui ne sont pas venus au Fury Dance. Découvrir la chanson que tu as donné le plus de ta personne par rapport aux paroles. Pour mon, de mon projet. Ouais, vas-y. Moi, je dirais c'est Bloqué la force de continuer du dernier album. Là, c'est vraiment de... Ok. C'est les trucs les plus perso, je pense. C'est plus personnel, Il y a une vraie histoire derrière dans le truc. Ouais. Ah, c'est un peu l'histoire de l'album, hein, bloquer la force de continuer, c'est vraiment le mood dans lequel j'étais pour cet album-là. Okay. Voilà. Je reste bloqué sur le même beat. on cherche des jingles pour notre projet Pouta Pouta. Okay. Et en fait, on s'est dit, nous on a eu. Nous on s'était bloqué sur un truc. Ouais. Sur on est resté bloqué sur Maniac. Le ok, ouais. Le début, la fin. Et okay. On voulait savoir si vous étiez ok tous. Pour cette chanson. Ah bah évidemment, évidemment. Faut demander au patron. Évidemment. Ah bah oui, ouais, c'est vrai que c'est ça peut sonner en jingle. Très jingle. Très jingle. Ouais. Moi je suis chaud. Carrément. Okay. Bah, merci beaucoup. Voilà. Cool. À tous les trois, tous les quatre. On se quitte là-dessus. Ouais, et on fait une dédicace quand même à Ryan qui est au merchandising. Ouais. Qui vend ouais. des t-shirts. Voilà, et qui doit être bien alerte. Toujours alerte, Ryan. Si tu vois ce que je veux dire, mon Ryan. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. On est avec Margot. Enchantée. Bonjour à toi. On va te poser 2-3 questions sur cette soirée et en particulier sur Cuir. Bah, t'étais tout devant, t'as eu l'air de kiffer. Est-ce que tu connaissais le groupe avant ? Je connaissais depuis quelques mois parce que mon copain écoute depuis un certain temps. Et on venait à Nantes, enfin à Montaigu, spécialement pour voir le groupe jouer. Okay. Comment t'as trouvé le set ? Ouais. L'énergie, est-ce que ça t'a plu ? Énergie incroyable, j'étais vraiment étonnée de les voir d'abord faire la balance et ensuite les voir sur scène, parce que ça n'a rien à voir. Ouais. Puis même sans connaître trop le groupe, le texte parle à tout le monde. Les textes sont français aussi, c'est plus facile. Les textes sont français. Il y a d'autres groupes que t'as découvert ce soir ? J'ai découvert Grade 2, ouais. Groupe anglais. Pareil, énergie folle, c'est mon premier slam. Yes. Premier slam et qui s'est moi, hyper. J'en ai jamais fait. Ça s'est hyper bien passé. Ouais. Et toi un peu très alerte sur les comportements ouais. masculinistes, je fais très attention au slam, ouais. sur les attouchements très dérangeants. Et là, incroyable, je pensais pas aller aussi loin. Tu te sens en sécurité ? Et en tant que nana, du coup, dans la scène ici aux Inor. Je te voyais bouger devant Cuir, je te voyais. Enfin, nous, on n'a pas vu Grade 2, mais. Que ce soit Cuir ou un autre groupe, franchement, aucun problème. Super à l'aise. Ouais. J'ai pu danser comme je voulais. Enfin, franchement, rien à dire. Et c'est hyper bien géré par le. La Soféros. C'est la Soféros. C'est très bien organisé. Merci beaucoup, Margot. Cool. Ouais, salut. C'est la fin de ce premier podcast de Pouta Pouta. On a été ravis de le faire. C'est une grande première. On est très contents tous les deux aussi de le faire. Et puis, il faut vous dire aussi qu'on est qu'il faut être indulgent avec... Tu rotes en même temps. Ah oh non, mais faut couper, c'est pas possible. Au Dizzy Fest, le Dumb and Dumber Fest, hyper dur à dire. À la brasserie La Muette, à Bazeux dans Paris, en septembre. Salut. C'est là qu'il faut sortir le micro, c'est là que tu vas avoir le plus de choses. C'est maintenant que ça commence. Mais ça enregistre. Ah, bonsoir. Pouta pouta poutarara, pouta pouta poutata, pouta pouta poutarara, pouta pouta poutata. Les Magnolias. Il va être mort. Arrête d'enregistrer.